le père Goriot fut pieusement replacé sur son grabat. À compter de ce moment, sa physionomie garda la douloureuse empreinte du combat qui se livrait entre la mort et la vie, dans une machine qui n'avait plus cette espèce de conscience cérébrale, d'où résulte le sentiment du plaisir et de la douleur pour l'être humain. Ce n'était plus qu'une question de temps pour la destruction. Il va rester ainsi quelques heures, et mourra sans que l'on s'en aperçoive. Il ne râlera même pas. Le cerveau doit être complètement envahi. En ce moment, on entendit dans l'escalier un pas de jeune femme haletante. « Elle arrive trop tard, » dit Rastignac. Ce n'était pas Delphine, mais Thérèse, sa femme de chambre. « Monsieur Eugène, » dit-elle, « il s'est élevé une scène violente entre monsieur et madame à propos de l'argent que cette pauvre madame demandait pour son père. Elle s'est évanouie, le médecin est venu, il a fallu la saigner. Elle criait, « Mon père se meurt, je veux voir papa !» Enfin, des cris à fendre l'âme. « Assez, Thérèse. Elle viendrait, que maintenant ce serait superflu. Monsieur Goriot n'a plus de connaissance. « Pauvre cher monsieur, est-il mal comme ça ?» dit Thérèse. « Vous n'avez plus besoin de moi. Faut que j'aille à mon dîner. Il est 4h30, dit Sylvie, qui faillit se heurter sur le haut de l'escalier avec madame de Restaud.